T'as déjà fait des trucs avec le GPS? Oui, oui, oui. J'ai déjà fait. Le parapluie et le cartable. Voilà. Donc, bonjour à toi. Oui, je vois, il y a un endroit où on peut s'asseoir. Voilà, on fera ça. Donc, je te laisse le petit appareil photo. On appuie là pour faire des photos. Tu veux faire un test? Ouais, mais on l'effacera. Ouais, on l'effacera. Voilà. Ça passe pas. Si, ça passe, regarde. Oui, ça passe, mais c'est grand. On va faire comme si tu étais un reporter. Ok. Il y a quoi, reporter? Un reporter, c'est une personne qui fait découvrir. Pour ton reportage, tu le fais. Hein. D'accord, oui. Tu et on appuie où pour faire là, la photo? Vous appuyez comme ça. Ici, là ici, sur le bouton là. Ouais. Sinon, d'accord. Je donne l'autre petit mot. D'accord. Autant de photos qui sont déjà allumées ou pas? Normalement, il suffit de mettre on. Et après, c'est ici pour aller. Et après. On fait zoomer ou quoi? Ah, faut que j'appuie fort. Voilà. Quand tu veux, c'est sur des endroits qui te semblent marquants. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Alors, est-ce que je peux prendre plus de 10 photos ou pas? Ouais, on pourra les trier après. Oui. Tu peux en prendre plus et puis tu en choisiras 10. Tac. Ça, c'est du coup là. Comment on fait pour être moins près? Ah non, c'est justement plus près. Je me recule. Ça m'aidera. Tu peux toujours prendre des photos, hein? Oui, je vais en prendre une là-bas. Ah, t'as déjà... Oui, j'ai déjà mémorisé. Je peux prendre une photo? Ouais, prends toutes les photos que tu veux. Ok. Mais est-ce que je peux aussi prendre une autre photo? Je sais pas quoi prendre en photo. Vous pouvez me dire, hein? Je vais juste photographier un truc. Ouais, vas-y, vas-y. Il court sur le trottoir pour aller photographier un panneau. Ah voilà, c'est le nom de ta rue, ça? Ouais, j'aime bien. Tu prends pas ça en photo? Si. Je vais prendre ici, trop vite. Tu peux le prendre là-bas? Non, si, on a un peu comme ça. En fait, ça sert à quoi de prendre des photos? Des photos pourquoi? Est-ce que du coup je commence ce que je vois ou parce que gueule parce qu'il y a Charlie qui me regarde. Bah on peut aller là-bas ou pas après. Tac. Enfin je sais pas si tu connais. Mm-hmm. Et c'est bah voilà. C'est bon comme ça? C'est toi qui vois. Ou plus grand. On va prendre le passage piéton. Ouais. C'est la première fois que vous venez à Argères pour faire ça ou... Tu ressens quoi quand tu passes ici? Bah... Rien. Rien? Non. Est-ce que t'as des points de repère? Non. Des lieux qui te marquent? Non. Non. Par rapport à d'autres? Non. Tu prends souvent avec tes copains? Tes copines ou tes... Chez... De quoi? Mercredi... C'est mercredi qui t'emmène? Ok. De toute façon, on a et déjà vendredi, vu. Les vendredis, je crois. Les vendredis, je crois. Les deux? Ouais, les deux. Ici, tu vois, on a changé un peu d'atmosphère. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Après, il y a deux chemins. Ça dépend. Des fois, je prends un des deux. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait que tu... Ce serait plus intéressant pour le reportage là-bas que là. Parce que là-bas, c'est il y a un peu moins de trucs. Et tu passes toujours par là, alors, du coup? Non, j'alterne des fois. Et qu'est-ce qui fait que tu passes par un chemin ou l'autre, alors? Moi, j'aime bien les deux, alors... Donc là, c'est par là. On change de direction là. Alors, tu vois, quand tu dis c'est par là, alors. Oui, c'est priorité à nous. T'as deux façons d'y aller alors. Il y a un chemin plus court et un chemin plus long. Est-ce qu'il est plus court? C'est le plus court? T'es sûr? Ouais. T'as déjà regardé sur une carte? Ouais. Ouais. Non. Ensuite, on va aller tout droit. Tu passes toujours par ce chemin là? Oui. Ce parcours? Oui. Après, il y a des. Change jamais de... Il y a des exceptions des fois quand je vais en voiture. Ah d'accord, non, à pied. À pied, c'est tout le temps là. D'accord. C'est le chemin le plus court en fait. Sinon, il y a là-bas, mais c'est plus long. 1 kilomètre. 1 kilomètre? C'est beaucoup ça, 1 kilomètre, non? Non, c'est pas beaucoup. Ouais, ok, ce serait bien. Donc tu me montres le parcours où tu as l'habitude, que tu as l'habitude de faire pour rentrer chez toi. Bah, en fait, ça dépend. Quand je suis tout seul, je prends un autre chemin que quand je suis avec mes parents. Après, là, on va tourner à gauche par là. On tourne à gauche, d'accord. Avec le soleil. Ouais. Je l'avais jamais remarqué. Est-ce que tu peux utiliser pour que j'ouvre la porte? Bien sûr. Et alors, tu passes toujours par là? Tout droit. Oui, tout droit. Si par où on voit le trou qui se... C'est là que je commence à changer. Ah, c'est d'accord. Donc là, tu commences à changer. C'est laquelle la partie que tu préfères de ton parcours, de ton chemin? Je n'ai pas de préférée. Hein? Je n'ai pas de... J'ai pas une préférée. D'accord. J'ai là-bas. J'aime bien et j'aime pas. Alors, dis-moi. J'aime bien parce que je trouve que c'est... J'aime bien voir le marché ici. Ah, il est là tous les jours? Oui. Non, tous les mercredis. Tous les mercredis. J'aime bien le voir tous les mercredis. Ah, parce que ça t'est déjà arrivé d'en voir? Non. Oui, ouais. Une seule fois. Donc, du coup, des fois, t'hésites parce que... Ouais, c'est ça. Donc là, on va passer... Par la passerelle. Par la passerelle. Après, ça fait peur au début, mais une fois que tu y es, tu t'habitues. Tu t'habitues. Là, je veux bien qu'on court. Tu veux? Ouais. Allez, je te suis. Alors. J'ai repris plein de débris. D'accord. Non, c'est pas par là qu'on passe. J'espère qu'on va rentrer vite parce que maman, tu gargouilles.